Tuyagurukundo Tuyagurukundo ni ikiganiro kibayagira ku bijyanye n'urukundo mu gishikirizwa na radio Isanganiro. Tuyagurukundo Tashiwa kwa kazi nchiti bagenzi na wakonzi vigani ilo vya radio Isanganiro niru na chane chane mwebuge wakonzi watu ya guru kundo. Ikigani ilo mkurikira na kumisi ngi nga mango kia go tuyage urukundo. Kawa kigizwe ni biche bitatu mujacha mbire tuwe agira kubazo vjereke urukundo. Mujacha kabiri tulisho kubazo mgatu kwa andike na mujacha nyuma tu kwa sigurira ururini mbovuga vjereke urukundo. Ya munu tumbiri Isanganiro Ura hombye urasizwe n'amajambere n'ukuri. Mu kiganiro cyacu cyo kuri uno munsi mu gice cya mbere turabira hamwe abagenzi batanu udakuye kugisha inama mu rukundo turishura kubaza mwatwandikiye nayo mu gahugo k'urukundo tukabasigurira akaririmbo All of Me turirimbirwa na John Legend. Balena Vyarimana nkaba nongeye kuguha ikaze. Threw out her spell. Tell it to your

arivyo byiza kurusha ivyawe o rero nta bugenzi buri muri we ahubwo n'umunyeshari no korera bakonzi batuye gurukundo abagenzi batanu dakuye kugisha inama cyangwa dakuye guhanunza mu rukundo wa mbere n'utemera ku rukundo rubaho wa kabiri ni utamarana n'umukunzi kabiri wa gatatu n'umuntu wumva ko azi ibintu byose kandi ategera yihenda wa kane n'umugenzi yatabika ibanga nayo wa nyuma n'umuntu w'ishari nuko rero bakunzi batuyagiye urukundo mukanya cha dutandukira ku gice cya kabiri aho twishura kwibaza uwo mwatwandikiye ibyo navyo mukavyandika kuri 76 cyangwa 75 93 jana na 35 ikiganiro ni cyo urukundo kuri radio Isanganiro. Ni mushikirije ibibazo byanyu. Ndakuramukije Balene ndise uwo nkunda tumaranye igihe kitari gito ariko ambwira ko afise abandi kandi atabo afise. Ndagerageza kumwumvisha ariko ntavyemera none nokuriki kugira ngo amenye ko ntamuhenda. Sawa nimwe bahanuzi beza dufise ibihe byiza kuri radio Isanganiro. Urakoze cyane wewe ntihemera yuko umukunda kandi ukabona yuko umukunda nuko mwo kwicarana ukamubwira ukaza ukamubwira ukamwereka mbere no mu ngendo no mu ngiro yuko umukunda kukongera ngo rafise amakenga akabona yuko umengo ntumwitaho na umwiteho hanyuma nibatsa yuko bizokunda. Bite Balen hari ico nashaka gusha kubazaje we ndafise umuhungu ankunda cyane yambonye umutima wo muca mu mugabo nanje sindamwiyumvamo na gato inkamwangira mugabo akaguma anyikurikiza mu mpanuye nkuriki mu rukundo hari ikintu kimwe udashobora gukora mu rukundo no guhadikiriza ko mu rukundo nibadikiriza nimba utamwiyumvamo yende mubihere yuko utamukunda hanyuma mumvishe ubimumvishe avyumve nawe nyene rero tukamusaba yuko yovyumva nimba abona we mukunda ko ntimahadikiriza no gutamukunda ko hari igihe kimwe kimuntu batitira kangire basi mugabo agatima kazo nimba ari ufise atana agatima ufise kandi ufise nabandi nibaza yuko mukura kunziruka bimubwira ukabimwumvisha nabo nyina kavyumva. Balene bite mfise umuhungu dukundana kandi namukunda ariko harundi tugendana ico nshase cyose arama mugagoma asaba ko tujyamana kandi arazi ko mfise undi none ngire uyo onye nibaza ko takinda ariko arakuronderera ariko akuronderera kugira gusana bikora sineze ko ufise undi mukundana ivyo rekara kwihesha no kugira ngo bara kujyosha jyosha kujyoshe jyoshe hanyuma mu nyuma wemereye uko mujyamana ari kintu kibi cyane ahubwo nubwo bwenzi kuri je no bane ko muca mu buhagarika gukura muri uko atari ko akuronderera ivyiza. Bitendiye di kinyinya afise umukobwa dukundanya ashaka ngo ndamuhe telefone tumuranye amezi atanguza kandi ashaka ngo mbe ari je wenda mugurira impuzu kandi turabanyesho nda bigenze gute uyo onye ni babandi bitwa batumukutu mukuru ari karondera ingeno bimuha bimuhaye azoca azoca kubwira ati bayi. Bite Balene ndi nanzia imukike ngo ndanye numwigisha nyigisha nkaba niga mu mwaka w'icenda none mu mpano y'ikenda muhe cyangwa mbandanye muka muri kigongo uyo onye ivyo ntibibaho ivyo ntibibaho kuko onye ariko agomba kuko kukononera ubuzima uyo bihebe bandanye wiga bite ni Bosco fise umwigeme ivyo vyaranyobe ariko mubajije kwa nkunda ambaza ngo icerekana ko atankunda n'igiki mvuze dupange gahunda ngo ntiyaragira ko ahita munanje kobera ari we nahisemo gukunda vyanse ko numuyeba ndondera wundi mu mpano yiki uyo onye nibaza yuko wenye natagomba yuko mukunda na kumvise izo nyisho guhasinyisho z'umuntu ko kubona mfutaniye migambi na wenyine akuyumvamo. Amahoro Balene mukobwa wamaze kubona kwa gukunda hama ukamugurira nka telefone vyo babibi mbega kubwiye abamugora ni bibi none wumva noyi mugurira okezekeri gitega pezekeri nimba mukunda nta kibazo urashobora kuyimugurira hanyuma nimba kubwira bakurondera kubera ko gufite icizera ko akwereka yuko ni we wenyine nta wundi afise ni vyose rero ko bananya nawe nimba ufise amahoro kamugura ku gatelefone. Amahoro ga Balene ngikuri biganiro vyanyu bira shimisha birakadushika kunyota murakoze. Rero jewe ndafise umukobwa dukundanye mugabo ingora nafise nuko ambonye turi kumwe nabandi bakobwa ntagomba no gusubira kumvugisha none ubona nokora iki numubwire numubwire ngira ngo bafise amakenga yibaze ko abandi bakobwe muvugana bagomba kumutwara kibanza rero agenda umushuke umubwire yuko atawundi ariwe bite fise umuhungu dukundanye ariko yifuza ko tubonana ndamubwiye arindire meza amashuri ntavyumva none mu manuwiki uyu ntaneza agushakira uyu ntaneza agushakira numubwire mbe kubereki atorindira yuko uheza amashuri hanyuma mukabandanya bikagenda neza biteje umfise umuhungu nkunze jewe ndiga mugabo wewe arafise akazi haraheze iminsi atanyandikira SMS namuhaje cha ambwira ngo nashaka kunesha umwanya wo kwigwana none mumva ankunda yarashobora yego arashobora kuba yari mashaka kugukunda kubera cyangwa sangane yindi gase wafise yironde wunde kagoma ati kugira ndo mubwire gusa ntibimubabaza ati nanga kugora kuko uri kuriga banawe ubu ba uri kuriga nawe nashaka no kwifuriza icyoro cyiza mu gihe nanga SMS akonda kuri WhatsApp cyangwa nibaze yuko no kubira baneza bite balene nanje nafise modemo ndamutumye ko azana na uwundi wumva arankunda bananye cyane bibandanye eh none azana mu wundi mubiki usanga siko ndikeri iwi mwaro ndafise umuhungu dukundana naramubujije inzoga yaranse kuyiheba none mu manuwiki ari mu rero nimba ikondira gacupa agashaka kugira ngo irihebe biba bigoye kumiza ko kibwenge ngo tsoheba fese umusoto twakundanye imyaka 9 heze umwaka yaragiye kubandanya amashure ibujumbura nanje nagumye ruguru ntanguye kumva ko afise uwundi namubaza agakara mu mpanurike uyo rero sanga fese uwundi umaze kubona umuntu akaze abari kuri ivyo bita defensif yabari uwundi yo kubwiza ukuri ati oya ivyo ni bibari kora besha na ofise aho rero kuca kwishura kaze sanga ngomba gutera ubwoba mwere wendi kwizera nanakunze mukobwa ariyo jya mbere mubonye acambwira ngo nta muko wabwa atanga inyisho aho bunyine agiye kwiyumvira ariko nko mundu wi anelefona gatatu ndamubwiye ikibazo canje acambwira ngo ntavyo yovugira kuri telefone ngo nitwabonana azombwira amasomo yandi uramurindira rero muzobonana mu masomo yandi ngira ngo aracakara kubabira kwige abone imigenzo yawe hanyuma zokubwira bitendiye Edwari ubwenyutse karuzi nkunanye n'umukobwa byarashitse turashobora na gatoyi acambwira ngo ndi imbwa y'umuhungu byaranshavuje mu manuke uramubwirira ikigo kandi usanga nawe nyine mu nyuma yaricara icuza ati mbe washe namubwira iki ko ari imbwa y'umuhungu bitenje uti yacu ndise umuhungu washaka ngo dukundane ariko ngabanzi ko akunda abakobwa benshi nanje naciye nibaza ko agira nshire mwabo bandi none mu mpano y'iki ndamukunde cyangwa ndabimubwi ambwira ngo yarisuye ko kandi ageze mu kane no mwana nanje niho gifata section usaba mubwire ijoro ryiza uko yakubwiye ko yabihinduye uragira naho matohoza yawe gore umubwira uti rindira nzakubwira mugaba muri cyo gihe ufata umunyugira matohoza ubone koko yuko yongeso yahindutse koko canke no kuguhenda salut tu yagurukundo nitwa Ange dukundanye n'umuhungu ariko ntari hafi yanje ari mu mahanga ambwira kwa nkunda cyane kandi atazompemukira ndamukunda ariko mfise ubwoba ko azohinduka akambabaza kuko narakunze ama ndababazwa nibaza ko nawe ariko ashobora kungira mu mpano y'ikigabavyeyi bezo bakoze cyane nimba ko yakubwiye ati nawe nyine naragukunda wihangane nibatsa yuko wura urafatira kuri ivyo onye hanyuma rero ugira uko ushoboye kose muza muravugana ari kuri WhatsApp cyangwa kuma kuri Facebook onye si amaze kuba nkidirisha abantu nakanye gato kugira ngo mubonane n'umuntu ivyo rero je nibatse ko bandaniriza ko mukagumana mugabo ikintu gukora nuko mugumana muri ko muravugana rimwe bita ku garde contact mukaba muri kumwe muvugana kuko iyo mubanda muguma muvugana no kuvuga yuko muba naho muri kure ko muri hafi ko muba muri ko muravugana ku munsi cyangwa kabiri ku munsi rimwe mu minsi ibiri ivyo urumva yuko ca bituma kwa rukundo rwanyu ruguma hahandi nyene nuko rero ivyo nivyo bibazo twara dufise kuri uno munsi ukaba wifuza kutwunganira canke ikibazo urunge kuri 76 canke 75 1935 mukanya na gahogo ku rukundo aho tubasigurira ururirimbo All of Me turimbigwa na John Legend agahogo ku rukundo kuri radio Isanganiro.